Beau temps sur les régions de l'ouest de la France avec un peu de vent. Temps orageux sur l'est et le sud-est. Soleil sur le sud-ouest et la côte atlantique. Grand soleil sur le midi de la France. Les températures, douces sur l'ouest, 20 à 22 degrés. Chaude dans l'est, le sud-ouest et le sud-est, 26 degrés à 28 degrés. 30 degrés et plus dans le midi et sur la côte.